Chapitre 24e. Monsieur Slope dit adieu au palais et à ses habitants. Nous avons maintenant à prendre congé de Monsieur Slope, de l'évêque et de Mrs. Proudie. Depuis une dizaine de jours, Monsieur Slope n'avait pas vu du tout Mrs. Proudie, fort peu l'évêque. Il vivait encore au palais et continuait son service. Mais les affaires confidentielles étaient traitées par d'autres mains. Il s'en était bien aperçu sans s'en émouvoir beaucoup. Nous avons vu dans les premières pages de ce livre que trois ou quatre personnes luttaient à qui serait en fait l'évêque de Barchester. Il lui fallait bien reconnaître maintenant que Mrs. Proudie était sortie victorieuse de la lutte. Pour un moment, M. Slope avait été un rude jouteur. C'était sur la question de l'hospice que devait se livrer la bataille. Et voici que M. Coverfull y était déjà installé, preuve vivante de l'habileté et du courage de Mrs. Proudie. Cet échec n'abattit pas la confiance de M. Slope. Il avait d'autres espérances. Mais, hélas, il reçut un billet par lequel Sir Nicholas l'informait que l'on avait disposé de la place de doyen. Rendons justice à M. Slope. Il ne fut pas terrassé par ce coup et ne s'abandonna pas à de vaines lamentations. Il ne désespéra pas et ne pria pas les dieux du ciel et de l'enfer de l'enlever d'une vie si pleine de déceptions. Il s'assit devant son bureau, calcula ce qu'il avait d'argent comptant et ce qu'il en devait recevoir, se demanda dans quelle nouvelle sphère il pourrait bien exercer son activité, et écrit sur le champ une lettre à la femme d'un riche raffineur de sucre de Baker Street. C'était une dame, il le savait personnellement, qui s'occupait beaucoup à encourager, chez les jeunes gens, les vocations ecclésiastiques. Il était de nouveau, lui disait-il, laissé à ses propres ressources. Il avait éprouvé que l'air d'une ville épiscopale était irrespirable pour lui et que le service d'une cathédrale était antipathique à ses goûts. Puis il arrêta de quelle manière il prendrait congé de l'évêque. Ayant reçu l'ordre de se rendre auprès de l'évêque, il se leva, sonna et invita le valet de chambre à informer son maître que si tel était le bon plaisir de sa seigneurie, lui, M. Slope, était prêt à l'aller trouver. Le domestique revint dire que sa seigneurie désirait que M. Slope se rendît immédiatement dans son cabinet. M. Slope attendit encore 10 minutes pour bien montrer qu'il voulait conserver une certaine indépendance dans son obéissance même. Ainsi qu'il s'y était attendu, il trouva Mrs. Proudie dans le cabinet de son mari. Monsieur Slope, prenez une chaise, je vous prie, dit l'évêque. Asseyez-vous, je vous en prie, Monsieur Slope, dit Mrs. Proudie. Merci, merci, répondit Monsieur Slope, et allant à la cheminée, il s'étendit dans le fauteuil le plus voisin du feu. Monsieur Slope, dit l'évêque, il est devenu nécessaire que je vous parle définitivement d'une chose qui, depuis quelque temps, s'impose à mon attention. Puis-je vous demander s'il doit être question de quelque chose qui me touche ? Certainement, oui, cela vous touche, Monsieur Slope. Alors, my lord, si je puis exprimer un désir, je préférerais qu'une discussion de ce genre n'eût pas lieu en présence d'une tierce personne. Ne craignez rien, Monsieur Slope, dit Mrs. Proudie. Aucune discussion n'est nécessaire. L'évêque veut simplement vous exprimer ses désirs personnels. Je veux simplement, Monsieur Slope, vous exprimer mes désirs personnels. Aucune discussion ne sera nécessaire, dit l'évêque, répétant les paroles de sa femme. C'est ce de quoi nous ne pouvons pas être certains, my lord, dit M. Slope. Je ne puis néanmoins forcer Mrs. Proudie à sortir, et je ne refuse pas de rester ici, si c'est le désir de votre seigneurie. C'est sûrement le désir de sa seigneurie, dit Mrs. Proudie. M. Slope, commença l'évêque d'un ton grave et solennel, il m'est pénible d'avoir à trouver quelqu'un en faute, surtout si c'est un prêtre, plus encore quand c'est un prêtre dans votre position. « Mais qu'ai-je donc fait, my lord ?» demanda hardiment M. Slope. « Ce que vous avez fait, M. Slope ?» dit Mrs. Proudie, se dressant devant le coupable et levant son doigt terrible. « Osez-vous demander à l'évêque ce que vous avez fait ? Votre conscience ?»« Mrs. Proudie, qu'il soit entendu une fois pour toutes que je n'ai pas affaire à vous. » « Si, monsieur, vous aurez affaire à moi, vous aurez affaire à moi. » « Que s'est-il donc passé entre vous et cette signora Neroni ? Comment avez-vous pu vous déshonorer, vous, un prêtre, par vos relations continuelles avec une femme de cette espèce, avec une femme mariée, avec une femme, en un mot, indigne d'attirer l'attention d'un prêtre. En tout cas, c'est dans votre salon que je lui étais présenté, répliqua M. Slope. Oui, et vous avez eu une conduite scandaleuse. J'ai eu tort de vous garder dans cette maison un jour de plus, après ce que j'avais vu. J'aurais dû insister pour que votre congé vous fût donné sur l'heure. Il me reste à apprendre, Mrs. Proudie, que vous avez le pouvoir d'ordonner que je reste ici ou que je parte. Quoi ? S'écrie la dame. Je n'aurai pas le droit de dire qui pourra ou ne pourra pas fréquenter mon salon. Je n'aurai pas le pouvoir de sauvegarder la moralité de mes gens, l'innocence de mes filles, mise en péril par votre conduite inconvenante. Vous verrez, M. Slope, si j'aurai ce pouvoir ou non. Vous aurez la bonté de comprendre que vous ne remplissez plus aucune fonction près de l'évêque et que comme votre chambre doit être immédiatement donnée à un autre chapelain, je dois vous demander de vous assurer un logement sans tarder. « My lord, » dit M. Slope, regardant l'évêque et tournant le dos à Mrs. Proudie, « me permettez-vous de vous demander de me faire connaître vous-même votre propre décision ?»« Certainement, M. Slope, certainement, c'est votre droit. » Ma décision est que vous feriez mieux de chercher une autre position. Je ne vous crois pas fait pour l'emploi que vous teniez auprès de moi. Et quelle a été ma faute, my lord ? Cette signora Neroni, répondit Mrs. Proudie, une faute abominable, honteuse. Fille, M. Slope, fille, vous, un prêtre. My lord, je désire savoir pour quelle faute je suis renvoyé de votre maison. Vous avez entendu ce qu'a dit Mrs. Proudie, répondit l'évêque. Quand je publierai le récit de cette affaire, ce à quoi je suis absolument décidé pour me justifier, vous ne désirez pas, je suppose, que j'établisse que j'étais congédié par vous sur l'ordre de votre femme, parce qu'elle a trouvé mauvais que j'eusse des relations avec une autre dame, la fille d'un des dignitaires du chapitre. Vous publierez ce qu'il vous plaira, monsieur, dit Mrs. Proudie, mais vous ne serez pas assez dénué de sens pour publier vos faits et gestes à Barchester. Croyez-vous que je n'ai pas su que vous vous agenouilliez aux pieds de cette créature, si toutefois elle a des pieds, et que vous baviez sans cesse sur sa main? Je vous engage à bien réfléchir à ce que vous direz et à ce que vous ferez. On a interdit des prêtres moins coupables que vous. My lord, si cela continue, je serai obligé de poursuivre cette femme. Je veux parler de Mrs. Proudie en diffamation. Je pense, Monsieur Slope, que le mieux que vous ayez à faire est de vous retirer, dit l'évêque. Je vous remettrai un chèque pour les sommes qui peuvent rester vous être dues. Et dans les circonstances présentes, il vaudra mieux pour vous comme pour nous que vous quittiez le palais le plus tôt possible. Je vous indemniserai pour votre retour à Londres et pour un séjour d'une semaine à Barchester. Si pourtant vous désirez rester dans le voisinage, ajouta Mrs. Proudie, et si vous voulez prendre l'engagement solennel de ne plus revoir cette femme et d'être désormais plus circonspect dans votre conduite, l'évêque pourra vous désigner à M. Quiverful, qui a besoin d'un vicaire pour Paddingdale. La maison sera suffisante pour vous, j'imagine, et vous recevrez 50 livres par an. Que Dieu vous pardonne, madame, la manière dont vous m'avez traité, dit M. Slope avec un pieux regard. Quant à l'évêque, j'ai pitié de lui. Et là-dessus, M. Slope se retira. Telle fut la fin des relations intimes de l'évêque de Barchester avec son chapelain, jusque-là son homme de confiance. Mrs. Proudie avait raison de dire que M. Slope n'était pas assez dénué de bon sens pour faire connaître au monde ses faits et gestes à Barchester. Il crut prudent de les laisser, au contraire, tomber dans l'oubli. Peu de temps après cette dernière entrevue, il quitta Barchester, secouant la poussière de ses souliers au moment où il monta en wagon, et il ne suivit pas d'un long regard d'adieu les tours de la cathédrale quand le train prit sa marche rapide vers Londres. On sait, du reste, que la tribu des Slope ne meurt jamais de faim. Ils retombent toujours sur leurs pattes, comme les chats. En arrivant à Londres, M. Slope trouva que le raffineur était mort et que sa veuve était inconsolable, ou, en d'autres termes, cherchait à être consolée. M. Slope la consola de son mieux et fut bientôt confortablement installé dans la maison de Baker Street. Bientôt aussi, il eut une église dans le voisinage de New Road et fut réputé comme le plus éloquent prédicateur et le prêtre le plus pieux de cette partie de la métropole. C'est là que nous le laisserons. De l'évêque et de sa femme, nous n'avons plus que peu de choses à dire. Depuis le départ de M. Slope, rien n'interrompit le cours de leur bonheur et de leur harmonie domestique. Peu de temps après, Une vacance au banc des évêques donna au docteur Proudie ce siège à la Chambre des Lords qui était l'objet de ses désirs. À l'occasion, il vota pour le gouvernement dans les questions religieuses, mais il avait appris que c'était dans le boudoir de sa femme qu'il devait aller chercher ses inspirations et ses résolutions. Il ne pensa plus désormais à désobéir, ni à avoir des vues personnelles en matière d'administration diocésaine. Mrs. Proudie est encore florissante de santé, et l'évêque n'a aucune raison d'appréhender à bref délai les tristesses du veuvage. Il est encore évêque de Barchester. Il fait si bien l'ornement de ce siège épiscopal que le gouvernement n'a pu se résoudre à le déplacer, même pour l'élever à de plus hautes dignités, qu'il y demeure jusqu'au moment où les novateurs du temps découvriront que, devenu hors d'âge, il a tous les titres possibles à jouir d'une pension de retraite.